De renouer maintenant sur la mise en onde, bienvenue à ce journal de ce dimanche 21 juillet 2019, dont voici d'abord les principales articulations. Le gouverneur de la province Bururi appelle à la tolérance politique entre les membres des partis politiques œuvrant dans cette province dans le but de se préparer pour les élections paisibles de 2020. Les habitants de la zone Kinama appellent à l'enlèvement des immondices de peur d'attraper des maladies de mains sales. Vous l'entendrez dans ce journal, les greniers des habitants de la zone Kabouye. Nous sommes en province d'Okayanza suite à la coupure du courant électrique qui vient de durer plus de 7 mois. Et dans la page sportive, le tournoi de la CECAFA Kagame Cup prend fin ce dimanche à Kigali au Rwanda. La finale sera disputée entre Azam FC de la Tanzanie et Kampala City de l'Ouganda. Bonjour, rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Désormais, les plafonds de dépenses trimestrielles doivent être validés par le Conseil des ministres. Ceci ressort du Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine dans le compte rendu lu par le porte-parole secrétaire général du gouvernement. Il a précisé que ces plafonds concernent toutes les dépenses excepté les salaires et les dettes. Prosper Nagwamiye a en outre souligné que cette réforme est introduite dans l'objectif de contrôle de l'utilisation du budget de l'État. Suivez plutôt Prosper Nagwamiye. Projet d'ordonnance ministérielle portant fixation des plafonds d'engagement des dépenses du premier trimestre 2019-2020. Le gouvernement du Burundi a entrepris des réformes dans la gestion des finances publiques qui découlent de la loi de décembre 2008 relative aux finances publiques. Ces réformes concernent essentiellement la préparation et l'exécution du budget de l'État, la comptabilité publique ainsi que le contrôle de l'utilisation du budget de l'État. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de décembre 2008, la loi budgétaire 2019-2020 prévoit l'élaboration des plafonds d'engagement trimestriels des dépenses qui doivent être validés par le Conseil des ministres. Ces plafonds d'engagement, qui sont conformes au plan de trésorerie de l'État, concernent toutes les dépenses sauf celles qui ont un caractère obligatoire et incompressible, c'est-à-dire les dépenses de salaire et de la dette. C'est l'objet de ce projet d'ordonnance. Après échange et débat, le projet a été adopté. C'était Prosper Nagwamiye, porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Je vous le disais en titre, les membres de différentes formations politiques œuvrant en province et Bururi sont appelés à éviter la provocation. L'appel est du gouverneur de cette province qui informe que des réunions sont en train d'être tenues à l'endroit des responsables provinciaux des partis politiques en vue de préparer un climat politique apaisé pendant cette période préélectorale. Frédéric Nyonzima demande plutôt aux partis politiques de privilégier le développement dans leurs projets. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Eline Benibikit. Nous sommes entrés ici en province de Bururi de multiplier beaucoup de réunions dans le but de prévenir des conflits préélectoraux qui peuvent s'ériger. Nous organisons beaucoup de réunions avec les partis politiques reconnus ici en province de Bururi pour les approcher, leurs militants, et de les enseigner au respect des autres membres des formations politiques. Je rappelle aussi les membres des partis politiques reconnus ici en province de Bururi que quiconque compromettant des infractions sera puni personnellement, sans parler qu'il appartient à tel ou tel autre parti politique. Et nous signalons aussi que personne ne viendra de l'extérieur pour développer notre province, raison pour laquelle les membres de différentes formations politiques doivent contribuer au développement et à sauvegarder la paix et la sécurité. Est-ce que cela veut dire qu'il y avait des cas d'intolérance politique qui étaient devenus intenses? Non, il n'y a pas vraiment des cas particuliers, mais ce qui nous montre que nous sommes vraiment dans une période préélectorale, sauf quelques cas isolés liés à l'implantation des drapeaux à n'importe où sur les voies publiques et sont descendus par les gens aussi non connus. Et ceci a été dit dans une réunion que nous avons tenue à l'intention des représentants provinciaux des partis politiques reconnus ici dans notre province. Et je les ai demandé à respecter vraiment la loi régissant les partis politiques au Burundi. Et nous les avons aussi demandé mais quel drapeau doit impérativement être planté devant les monuments ou les permanences des partis politiques pour éviter d'éventuels affrontements entre les partis politiques. De Burundi, rendons-nous à Mwaro où le parti RPB Nuringanywe demande à ses membres de garder un langage courtois. En période préélectorale, les membres de ce parti sont également invités par les responsables du dit parti à créer et adhérer dans des coopératives agro-pastorales pour augmenter la production. Ce samedi, le président de ce parti RPB au niveau national a tenu une réunion en commune Kayokwe de la province Mwaro à l'endroit du comité provincial et des comités communaux de cette province pour se préparer aux élections prochaines. Chaîne les détails avec Laurent Dikouri. Selon Jeanne-Françoise Ntirampeba, présidente du parti RPB Nuringanywe au niveau national, les membres de son parti doivent être caractérisés par une communication non violente en période préélectorale et même pendant les élections. Elle demande aux membres de son parti d'être courtois et d'éviter la provocation envers les membres d'autres formations politiques. Selon Ntirampeba Jeanne-Françoise, présidente du parti RPB, les responsables de son parti à tous les niveaux doivent veiller à compléter les comités collinaires du parti. Ils doivent aussi, selon elle, mobiliser d'autres membres pour qu'ils participent activement aux échéances électorales prochaines, surtout que le code électoral précise que pour qu'un parti politique fasse partie des institutions, il devra avoir au moins 2% des suffrages exprimés. La présidente du parti RPB, Nuringanywe, demande en plus à ses membres de créer et adhérer dans des coopératives dites CREDA, coopératives de crédit agricole, pour augmenter la production. Et se base sur le fait que la plupart de jeunes passent des journées sans rien faire, alors qu'ils ont encore la force de travailler. Ces coopératives permettront la cohésion sociale. En plus, les membres pourront être encadrés par l'API, appui au projet d'investissement. Cela est motivé par le fait que la propriété foncière au Burundi diminue progressivement, selon toujours la présidente du parti RPB. De moi, alors, Laurent Dikouri, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. De Mwaro, revenons sur la capitale Bujumbura, Kinama précisément, où des tas d'immondices s'observent sur certaines routes et dans certains espaces publics de cette zone de Kinama. À mairie de Bujumbura, les habitants de cette zone réclament l'enlèvement de ces immondices de peur d'attraper les maladies des mains sales. L'administration locale dit être au courant de cette situation. Janine Ninerete, chef de zone Kinama, fait savoir qu'elle compte multiplier des sensibilisations sur l'hygiène à sa population tout en recommandant à cette dernière de ne pas exposer ses immondices le long des routes en attendant les services s'occupant d'hygiène. Le point avec Richard Nyongour. De l'autre côté de la vitrine, l'homme fait signe que l'élément n'est pas prêt. Nous rendons à Kayanza, où il y a grogne de la population de la zone Kabouye, en commune et province Kayanza, à l'endroit de la Régie des Eaux, suite à la coupure de l'électricité depuis plus de 7 mois. Ses habitants parlent d'énormes pertes car bon nombre d'activités nécessitent de l'électricité qui faisait vivre leur famille ont été suspendues. Le chef d'antenne nord de la Régie des Eaux dit être au courant de cette situation et que le service habilité est à pied d'œuvre pour trouver remède à ce problème. Apollinaire Muzagara, correspondance. Selon ses habitants, la zone Kabouye connaît cette coupure d'électricité depuis décembre 2018. Ils disent avoir approché les responsables de la régie des eaux, mais rien ne va jusqu'aujourd'hui. Des lamentations s'observent principalement chez les coiffeurs, les soudeurs et autres. Ces derniers disent actuellement avoir du pain sur la planche, à nourrir leur famille à cause de cette coupure d'électricité prolongée. Aussi, la zone Kabouye est en possession d'une usine de transformation d'avocats en huile, dont le fonctionnement devrait avoir déjà débuté, mais enfin, le délai d'essai des équipements de cette usine touche à sa fin, déplore l'administrateur de la commune Kayans, Jean-Marie Vianney Manelakiza, parle d'énormes pertes et demande plus d'efforts à la régie des eaux pour que cette zone soit encore une fois alimentée en électricité. Le chef d'antenne nord de la régie des eaux, Jérémy Sendegeya, indique tout simplement que des techniciens de cette société sont au travail pour réparer la panne. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganil. Dongozi, rendons-nous à Muyinga pour parler éducation. Les vacances est une occasion offerte à certains élèves de gagner de l'argent, de s'habituer à devenir peu à peu autonomes. Des vacanciers occupés comme aides et maçons sur des chantiers de construction de maisons en ville de Muyinga en sont fiers à la satisfaction des parents. Reportage signé Dieudonné Nzeyman. Sur un chantier, des élèves en vacances font partie des aides-maçons. Nous sommes au quartier Gasegni, en ville de Muyinga. Ces enfants motivent leur choix. Je fais ici gagner de l'argent car ça me permettra d'acheter les cahiers, signale un jeune garçon. Une fille de la seconde année de formation technique en topographie déclare ne pas avoir de complexe quand elle soulève moireau et briques. L'essentiel pour elle est qu'avec l'argent gagné, elle laissera autonome en termes de satisfaction à certains de ses besoins. Nous devons apprendre à gagner avec la beurre, déclare-t-elle. Au quartier Kalimera, un jeune récemment certifié pour avoir terminé les humanités générales en langue révèle travailler pour avoir son capital. Je précise que dans le cours d'entrepreneuriat, on a appris qu'il ne faut jamais négliger le travail. Avec l'argent gagné, on pourra lancer nos affaires. Les parents sont satisfaits. Des enfants occupés échappent au ligala, favorisant de mauvais comportements dans la prise des stupéfiants. Au bout d'une semaine de vacances, certains des enfants sont pourtant convaincus. Les vacances signifie moment de repos, voyage, consommation des biens de la famille. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeyimana de Muyinga. Rendons-nous à Rumonge où les boissons Braroudi interceptées au port commercial de Rumonge il y a bientôt 3 mois ont été remises à leurs propriétaires ce dimanche. L'Aubert a autorisé cette opération. Les commerçants concernés saluent cette mesure et disent qu'ils vont saisir la justice pour les pertes enregistrées. La finale du tournoi CECAFA Kagame Cup édition 2019 est prévue ce dimanche à 17h à Kigali au Rwanda. La formation tanzanienne Azam FC croisera le fer avec la formation ougandaise Kampala City. Lors de la demi-finale, Azam FC a éliminé AS Maniema Union de la RDC sur un score d'un but à 0 au moment où City Kampala a battu la formation Green Eagles de la Mozambique 4 buts à 3. Vous saurez que la formation Aigle Noir de Makamba, qui devrait représenter le Burundi, n'a pas participé à ce tournoi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.